Exactement, et à tout à l'heure, Sophie. À tout à l'heure. Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne. Olivier Delacroix. Toutes et tous, vous êtes sur Europe 1 et vous êtes les bienvenus sur votre libre antenne, chers amis. Que le temps passe vite. Dans une heure et demie, nous serons en 2020. 2020, vous vous rendez compte, nous sommes là encore, toujours là, dans cette vie qui, même si elle n'est pas tous les jours facile, est tout de même assez trépidante, assez formidable. Alors soyez les bienvenus pour passer ce moment, ce passage de 2019 à 2020 en notre compagnie. En tout cas, moi, je suis ravi d'être avec vous ce soir pour évoquer votre vie, tout ce que vous avez envie de me dire, de me raconter ce soir au 39-21 sur Europe 1. Alors, bien évidemment, vous le savez, cette libre antenne, c'est vous qui la faites, c'est votre parole, c'est votre quotidien qui compte ici et qui porte cette émission. Alors n'hésitez pas dès maintenant, même si vous êtes en train de réveillonner et que vous avez envie de vous éclipser pour nous raconter quelles peuvent être les décisions que vous avez prises, les bonnes résolutions que vous avez prises, puisqu'il est de coutume le 31 décembre de se dire cette année je vais faire ci, je vais faire ça. Est-ce que vous vous y tiendrez? Est-ce que vous avez besoin d'un petit coup de main, peut-être, de l'évoquer avec moi et avec toute l'équipe de la Libre Antenne pour savoir si vous allez pouvoir retenir? Est-ce que cette vie est belle? Est-ce que vous avez envie de nous en faire part? Au 39-21, toute l'équipe de la Libre Antenne est là pour vous écouter. Natacha, Florian, Jean-François sont là, derrière moi, non, j'allais dire devant moi, puisque je les vois, nous regardons les yeux dans les yeux. Nous attendons donc votre appel au 39-21. Vous avez été très nombreux à nous appeler lors de la soirée du 25 décembre, et malheureusement, nous n'avons pas pu tous vous passer, mais vous avez ensuite eu le plaisir de pouvoir évoquer... témoigner en tout cas avec nos amis de la Libre Antenne de toute la semaine dernière. Et puis là, nous sommes en direct, donc voilà, vous connaissez le chemin, 39-21, 50 centimes d'euros la minute, 739-21 pour vos SMS, la Libre Antenne @europe1.fr pour vos mails, et puis toujours notre groupe de parole sur Facebook, Sabine Marin, Olivier Delacroix, la Libre Antenne. Voilà, le chemin est maintenant balisé, il est éclairé. Nous apprêtons à passer une nouvelle année ensemble, donc n'hésitez pas, nous sommes là, nous vous attendons. Voilà, cette Libre Antenne du 31 décembre, c'est parti. Venez vous confier à Olivier Delacroix sur Europe 1. Et nous accueillons Sylvie sur Europe 1. Bonsoir Sylvie. Oui, bonsoir Olivier. Comment allez-vous Sylvie? Très stressée déjà. Ah bon, bah alors... De passer à l'émission me stresse beaucoup, mais bon. Bah, il faut pas. Écoutez, on va essayer d'avancer ensemble, d'échanger ensemble, et vous allez voir, vous allez voir, c'est souvent un réflexe ça, d'être stressé, on se projette, hein, on se dit là, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je ne vais pas. Mais vous savez, moi, pour tout vous dire, vous faire une confidence, je suis pareil que vous, hein, à chaque fois. Vous savez, j'écris très peu de choses moi, donc je me dis bon voilà, je parle comme ce qui me passe par la tête, et donc ça n'est pas toujours facile, hein, d'évoquer les choses qu'on a dans la tête comme ça sans buter sur une idée ou sur un mot. Donc voilà, sachez que moi je suis pareil que vous, donc déstressez-vous, n'ayez pas peur, on est entre amis et on est là pour échanger tranquillement, d'accord? D'accord, merci. Alors dites-moi tout. Alors, ben, je vais commencer par le début. Bon, c'est très long, mais je vais essayer de pas m'attacher trop aux détails. Voilà, je me retrouve à la rue. J'ai vécu 32 ans avec quelqu'un qui a changé de personnalité il y a 5 ans et demi. Oui. On avait fait construire une maison il y a 30 ans. Et cette maison devait être des noms, elle n'est qu'à son nom. Chez le notaire, il a voulu qu'elle ne soit qu'à son nom. Et il y a 5 ans, j'essaie de faire le plus court possible, il y a 5 ans et demi maintenant, monsieur a complètement changé de personnalité, à savoir, il a consommé de la cocaïne et il a été déclaré bipolaire. J'ai été violée, souvent. J'ai été frappée, à la suite de quoi je suis allée déposer plainte. Par cet homme, par cet homme-là, on est d'accord? Oui, absolument, d'accord. Absolument. C'est quelqu'un qui n'était absolument pas violent auparavant. D'accord. Alors, arrêtons-nous là-dessus, si vous le voulez bien, Sylvie, oui. Avant que nous continuions un peu plus loin. 32 ans de vie commune, et il n'était pas du tout comme ça avant? Alors, il a toujours eu une double personnalité, à savoir qu'à la maison, c'était un personnage qui parlait quasiment pas, oui. Et qui, à l'extérieur, était le plus charmant, le plus drôle des hommes. Voilà. Après, bon, il n'y a jamais eu de violence, quelle qu'elle soit. Et là, il y a 5 ans et demi, il a complètement changé. Il s'est mis au sport intensif, il s'est mis à avoir des tics de partout. Il a perdu 30 kilos, il s'est mis aussi à la musculation. Alors, il est devenu très grossier. D'accord. Oui. Vous, Sylvie, vous avez la soixantaine, hein? Lui, 62. Lui, il a quel âge, en fait? Il est dans 58, il a 4 ans de moins. D'accord, 58. Donc ça veut dire qu'autour de ses 53 ans, il s'est mis... c'est un peu la crise de la cinquantaine qu'il a vécue. Ben voilà, c'est ce que mon médecin pensait au départ. Bon, moi j'étais convaincue que c'était bien pire que ça, et effectivement, parce que là, à ce moment-là, bon, il a perdu tous ses clients au niveau du travail. Oui. De par ses comportements, pas de par la qualité de son travail. Ensuite, il est devenu très violent, très agressif, il faisait n'importe quoi. À savoir, une fois, je le vois sortir du garage, il tenait un manche de tournevis contre sa poitrine. J'étais dans la maison. Et bon, j'ai trouvé ça curieux. Bon, j'ai fait comme si. Et quand il est rentré, il a fait celui qui s'était planté un tournevis dans la poitrine. Il s'était étalé du coulis de framboise sur la poitrine. Et il faisait celui qui allait mourir. Et comme j'ai pas réagi, il m'a dit « Ah, tu me crois même pas ». Des comportements totalement insensés, des tics partout au niveau du visage. Au niveau des mains, il se massait continuellement en parlant. Enfin, c'était un comportement, c'est indescriptible. Mais ça a dû vous inquiéter à l'époque, déjà. Ah, mais ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup inquiétée. Il m'insultait, il me traitait de tout. Il a commencé à m'étrangler une fois dans le couloir. Après, bon, avec mon médecin, on l'a envoyé voir un psychiatre. Et ce psychiatre l'a mis sous traitement pour bipolaire. Et d'accord. Ce psychiatre a triplé son traitement sur 3 semaines. Et donc, mon ex, appelons-le Philippe, il a arrêté ce traitement au moins au bout de 3 semaines, 4 avant. Voilà, il a tout arrêté parce qu'il se sentait grand, il se sentait fort, il se sentait puissant. Il dormait plus la nuit, c'était la radio à fond toute la nuit, c'était dément, complètement dément. Et j'avais un médecin qui était médecin à l'époque, que j'ai appelé en catastrophe. Et il m'a dit, oh, mais t'inquiète pas, c'est pas grave, c'est la crise de la cinquantaine, effectivement. Mais non, pas du tout. Pas du tout. C'est devenu un monstre. Est-ce qu'il y a un événement particulier qui a marqué ce changement? Eh bien, pas que je sache. Pas que je sache. Moi, ce qui a commencé à m'alerter, mais bon, pas de manière très importante, mais j'ai trouvé odieux, c'est qu'en 2008, son père est décédé, et que là, avec son beau-frère habite Vichy, il a fait venir un notaire de Vichy, et ils ont détourné tout l'héritage paternel, enfin, ils ont 3 enfants, et ils ont tout mis dans leur poche, y compris ce qui revenait à la mère, qui était à l'époque en maison de retraite et qui l'est toujours. Voilà. Et ça m'a beaucoup choquée. Bon, je sais, ça s'est passé à table à la maison. Et donc, j'aurais dit, mais vous êtes immonde, c'est pas possible. Et mon beau-frère m'a rétorqué, ah, mais tu te rends pas compte, si on commence pas maintenant, l'État nous prendra 60% de son décès. Et à partir de là, j'ai eu un autre regard sur Philippe. Parce que j'ai trouvé ça tellement monstrueux, alors que c'est quelqu'un qui est fortuné. Donc, j'ai trouvé ça monstrueux. Et là, moi, mon regard a commencé à changer quand même. Ouais, je me doute, ouais. Surtout que si Vous partagez quand même sa vie avec lui donc, depuis 27 ans, hein, si j'ai bien compris. Non, 32. Oui, mais 32. Ce sont les 5 dernières années, vous m'avez dit. Qui... Voilà, 32 ans plus les... Ah d'accord, c'est, voilà. C'est à partir des 32 ans que tout ça s'est mis à dérailler. Exactement. D'accord. Et moi, je voulais qu'il soit hospitalisé, pour comprendre ce qui se passait. À l'époque, je mettais pas de... Bon, la cocaïne, j'avais compris. C'est quelqu'un qui avait jamais bu une goutte d'alcool, qui n'aimait pas l'alcool. Et un après-midi, j'entre dans la cuisine, il était en train de se servir un grand verre de rhum qu'il a bu plus sec. Mmh. C'est impressionnant quand même, quelqu'un qui n'avait jamais bu une goutte d'alcool. Oui, c'est étonnant. Et donc, vous avez réagi à ce moment-là? J'espérais que le psychiatre allait l'interner, qu'il soit soigné. Seulement, mon ex n'a pas voulu être interné. Il me disait, jamais je me suis sentie aussi bien. Nos amis ont constaté son changement aussi. Et puis, il était tout le temps en fugue. Il a toujours fugué, de toute façon, tout le temps. Hein. Mais là, il s'assentait beaucoup, donc il ne voulait plus travailler. Il faisait bêtises. Par exemple, un après-midi, à la radio, je m'en souviens encore, c'était sur Nostalgie, il entend une publicité pour les matelas Tempur. Bon, OK. Il me dit, on y va, j'en veux un. Surexcité continuellement. On y va, on entre dans le magasin. Et là, il s'est mis à sauter sur le divan là, à quatre pattes, en riant. Il se marrait. Et je me suis reculée, je suis partie dehors. Et jamais il se serait comporté comme ça. Jamais. Il y a eu quelque chose. Quoi ? J'ai jamais su, j'ai jamais compris. Moi, je pense que c'est la cocaïne qui a dû déclencher cette bipolarité qui a toujours été là, à mon avis, parce qu'il a toujours eu cette double personnalité. Et donc, en 2008, j'en reviens en 2008, il s'est mis à haïr sa mère, alors que à l'insulter, à aller la voir à la maison de retraite juste pour l'enquiquiner et lui balancer ses papiers par terre. Et donc là, je lui ai dit, mais attends, si tu vas la voir pour ça, autant que tu restes chez toi. Ça a commencé, il s'est mis à détester et sa mère et moi. C'est très curieux. Est-ce que vous avez déjà pensé qu'il s'était passé quelque chose que vous ignoriez, vous, et que vous ignorez même jusqu'à aujourd'hui? Ah mais c'est fort possible, c'était quelqu'un, certainement, je sais qu'il s'est trouvé une maîtresse, puisque j'ai découvert ça sur Internet, oui. Je sais qu'il s'est trouvé une maîtresse. Comment est-ce que vous vous êtes, racontez-moi. Alors, en allant sur son site à lui, dans ses amis, il y avait une certaine, je ne vais pas dire son prénom, Dominique, je suis allée sur le site de cette femme, et là j'ai vu des photos. C'est elle qui l'a photographié à une table de bar dans le Bordelais, à Saint-Michel exactement. Après, il y a un truc qui m'a fait très très mal. Il y a un endroit près de chez mes parents où on aimait beaucoup aller, un endroit, c'était des moulins, les moulins de Calon, ça s'appelle. Ouais. Et moi, je connais cet endroit depuis quasiment ma naissance. Et on y allait relativement souvent. Et là, j'ai vu qu'il avait fait une photo d'elle au Moulin de Calon et qu'inversement, elle aussi l'avait photographiée. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est un endroit où on allait en amoureux et ouais. Il en amène une autre. J'ai trouvé ça tellement irrespectueux, tellement... Et puis pas très malin. Si vous me permettez, au passage. J'aimerais savoir, en fait, donc si je calcule bien, Philippe a commencé à prendre de la cocaïne il y a 5 ans, donc autour de ses 53 ans, c'est ça ? C'est ça. Dans quelles circonstances a-t-il commencé à prendre de la cocaïne ? Je ne le sais pas, je ne l'ai pas vu faire, mais en revanche, ce qui m'a mis sur la piste, c'est qu'il me disait souvent, je vais me mettre à la cocaïne, ça ne me coûtera que 250 € par jour. Voilà la phrase qu'il venait régulièrement. Et il avait un regard de tueur aussi. Et donc, je suis sûre qu'effectivement, il a consommé de la cocaïne. Alors, vous m'avez dit tout à l'heure qu'il était très fortuné. Oui. Il ne travaillait pas, Philippe ? Il a toujours travaillé. En 2013, ça a commencé doucement, en fait. En 2012, il a dû travailler 6 mois dans l'année, alors qu'il travaillait absolument tous les jours. En 2013, il n'a travaillé que, je crois que c'est 3 mois. Et puis alors en 2014, plus aucun client ne faisait appel à lui. Et donc parce qu'il était, il avait changé, il avait beaucoup changé. Ah mais il avait énormément changé, c'était le jour et la nuit. Mm-hmm. Je vous dis, c'est devenu un monstre violent verbalement, violent physiquement, qui prenait des petites pilules bleues. J'ai mis du temps à le comprendre parce que j'ai subi des horreurs. Et le pire, c'est qu'on ne me croit pas au tribunal. Alors, là, c'est quoi ces petites pilules bleues dont vous parlez? Genre Viagra. Ah d'accord, ok. Donc j'ai vécu des horreurs. Le problème, c'est qu'il y a eu des tas de jugements au tribunal, que bon, moi j'ai fait valoir que la maison, les papiers de construction étaient au donnant, et là maintenant, là récemment, il fait valoir que de toute façon, la maison est sur son terrain à lui. Alors que ce sont ses parents qui nous ont offert ce terrain tous les deux. Mais bon, sa mère est grabataire et je me demande si... Enfin, je vais demander l'avis de mon avocat, là. J'ai quelques idées. Bon, déjà on va continuer à évoquer hein, votre ouais. vie avec cet homme, mais vous avez tout de même vécu 32 ans à ses côtés. Donc, il y a tout un tas d'éléments qui doivent prouver, étayer hein, le fait que vous soyez... Vous n'étiez sous aucun régime de Pax ou vous n'étiez pas mariés mais tous les deux? Mais au bout de 7 ans de vie commune, je lui ai dit, on devrait peut-être penser à se marier. Ouais. Il ne m'a jamais dit non ouvertement. C'est quelqu'un qui ne parlait jamais ouvertement, de toute façon. Et il me disait toujours, on verra plus tard. Quand mon beau-père est décédé en 2008, son beau-frère lui a dit, pour protéger Sylvie, tu devrais quand même peut-être commencer à songer à te marier. Il lui a répondu, oui, j'y pense. Mais il n'a jamais voulu. Il n'a jamais voulu. En fait, c'est quelqu'un qui a toujours tout calculé, tout le temps. Vous pensez vraiment qu'il a tout calculé? Ah mais oui, parce que cette maison devait être au donon. Bon, cette maison, on l'a fait construire il y a 30 ans. Ouais. J'ai trouvé le terrain, j'ai choisi le constructeur, enfin je me suis occupée absolument de tout. Physiquement, j'ai énormément travaillé. Je me suis occupée de tout. Et le soir d'aller chez la notaire, je vais me changer pour aller chez la notaire. Et il me regarde hein, avec le sourire et il me dit « Ah ben non, je préfère que la maison soit mon seul nom. » J'avais 30 ans de moins. Bon, j'avais parce qu'il m'a isolée de tout aussi. Il fallait pas que je travaille. Moi, quand je l'ai connu, j'avais une pâtisserie. Il a fallu que je vende ma pâtisserie pour m'occuper que de lui. Après, en 2008, j'ai voulu faire du bénévolat dans une maison de retraite. Ça a duré très peu de temps parce que ça le dérangeait. Il me disait, tu préfères t'occuper des vieux plutôt que de moi. Alors que dans ces moments-là, il était au travail. C'est affreux. Et là, lorsque vous dites que vous avez vendu votre pâtisserie, en fait, parce que vous aviez une pâtisserie avant, oui. Qui marchait oui, bien. Oui. Ah oui, oh là, oui. Oh mon Dieu, oui. Et lorsque vous l'avez vendu... comme ça, d'ailleurs, à la pâtisserie. Vous l'avez connu à la pâtisserie? Oui, c'est ça. Il était venu en tant que client. Il sympathisait. Il venait donner un coup de main les week-ends. À l'époque, il était étudiant. Bon, c'est comme ça que vous vous êtes connu. Et, et que vous avez entamé ces 32 années. À partir de ce moment-là, c'était en quelle année, ça, donc? C'était en 80... Alors, on a commencé à vivre ensemble en 82. D'accord. En 82. Bon, et donc... 30 juillet 82, je m'en souviens. Donc 32 ans de vie plutôt... il était bien durant ces 32 années, en fait Alors, il n'a jamais été violent, il n'a jamais... Mais ça a toujours été une très très curieuse personnalité, comme son frère, sa sœur et ses parents, toujours. À l'extérieur, c'était le plus charmant des hommes. Qui plaisantait, qui ne parlait jamais de lui, par contre, il ne fallait pas, c'était sujet tabou, mais qui aimait raconter des blagues ou qui aimait étaler sa culture. Oui. Et à la maison, c'était aucun discours. Au départ, quand je lui demandais ce qu'il avait fait au travail, j'ai travaillé, me répondait-il, voilà. J'ai jamais pu savoir ce qu'il faisait exactement au niveau du travail, ni de quoi il parlait avec ses relations de travail, ni... Et rien, ni rien. Par contre, il avait beaucoup de mal à garder ses employeurs. Et alors, je sais plus, ça doit faire 20, dans les 25 ans, je lui ai dit, bon, t'as la clientèle, tu n'as pas besoin de grand-chose, tu as tout ce qu'il te faut si tu t'es installé à ton compte. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, il allait travailler, dans des Que faisait-il comme métier, donc? Alors, il était technicien supérieur, il travaillait dans l'instrumentation et l'électricité industrielle. D'accord, donc en fait, c'était tout de même un boulot où il fallait avoir un peu de niveau technique, certaines connaissances. Mais c'est certain, c'est quelqu'un de très intelligent, mais de très tordu. Mm-hmm. C'est certain, c'est quelqu'un de très intelligent. Ça, en fait, Sylvie, parce qu'aujourd'hui, vous dites qu'il est devenu pervers narcissique à partir du moment où il a pris de la cocaïne, ou ces 5 dernières années, il a changé complètement. Mais avant, il n'y avait eu aucun signe qui annonciateur de tout ça. Durant ces 32 années, vous n'aviez pas, remarqué que c'était un garçon qui manquait peut-être de briller en société, mais il a toujours eu envie de briller en société. Par contre, à la maison, il n'y avait plus rien. Non, ça a toujours été une double personnalité. On voyait dans la rue, on se promenait toujours main dans la main. On était tout le temps ensemble. Il ne voulait même pas aller faire une course tout seul. On était tout le temps ensemble. Mmh. Et après, c'est devenu le contraire. Après, c'est quelqu'un qui a toujours fugué. Parce que quand tu découvres. Alors, dès les premières semaines, peut-être le premier mois, enfin, très rapidement. C'est-à-dire que quand il y avait un souci, quand moi je découvrais quelque chose par un collègue et que je voulais des explications, là, surtout pas. Donc il ne disait rien, il prenait son sac et il s'en allait, il revenait 3 semaines, un mois et demi après. Et là, j'avais pas intérêt à poser de questions. Et ça, il vous l'a fait durant ces 32 ans, il vous l'a fait souvent ? Ah, très, très, très souvent. Et quelle était votre réaction à vous lorsqu'il faisait ça ? Je comprenais pas, c'est quelqu'un qui a toujours refusé de parler, de s'exprimer. Il paraît même quand il était petit, c'est sa mère qui le disait, sa mère était souvent convoquée à l'école parce que c'est quelqu'un qui ne s'exprimait pas. Et pourtant on lui disait, c'est un enfant intelligent, il comprend tout, mais on ne comprend pas ses comportements. Et par exemple, ça c'est lui qui m'a raconté à la toute fin, hein. Il me disait, eh bien, moi quand j'étais petit, que je ne savais pas avant, eh bien je me mettais dans la cour de récréation, je faisais le malheureux, je pleurais. Comme ça la maîtresse venait me voir, me consoler, me parler. Enfin, bon, voilà. Et comment était son frère? Vous m'avez dit qu'il avait un frère et une sœur, hein? Voilà, exactement. Comment étaient-ils, eux? Le frère, oh, c'est catastrophique. Le plus jeune frère a été suivi étant enfant par des psychiatres parce que lui, c'était un enfant totalement incontrôlable qui ne supportait pas, qui ne supportait aucune règle. Et ça n'a pas changé. Là, le frère, attendez, il a quel âge? Dans 54 moins 2, il a 56 ans. Bon, c'est quelqu'un qu'on voit sur les réseaux sociaux qui fait. Qui c'est un menteur pathologique, c'est un mythomane, son frère. D'accord. Et la sœur? Alors la sœur a épousé un médecin toute jeune. La sœur est comme lui, c'est quelqu'un qui parle pas, qui bouge pas, qui travaille pas, qui dépense beaucoup, qui est pas fichu d'entretenir sa maison. C'est moi, je sais que tous les repas se faisaient chez moi, jamais elle aurait bougé pour m'aider à débarrasser une assiette. C'est très spécial. C'est très très spécial. Mais vous viviez en province? Dans le Bordelais. D'accord. Je vous pose plein de questions, hein. C'est pour qu'ensuite on puisse rentrer vraiment dans le cœur du sujet et pour que toutes celles et ceux qui nous écoutent arrivent bien à se faire une image assez précise de ce que vous avez pu vivre pendant 32 ans. Et lui, donc, quelle relation avait-il avec ce frère et cette sœur? Est-ce qu'ils étaient proches tous les trois ou... Alors, pas vraiment. Alors... Philippe était en grande admiration pour son beau-frère. C'est la seule personne qu'il a toujours admirée. Ensuite, sa sœur, il n'en parlait jamais. Quand je lui disais, mais parle-moi de ton enfance avec ta sœur, il me répondait toujours, oh, ma sœur, c'est une bonne à rien. Voilà. Et avec son frère, non, ils ne se sont jamais entendus parce que le plus jeune était un hyperactif, affabulé, disait qu'il allait à la pêche avec Carlos, il n'a pas changé. Donc non, ils ne s'entendaient pas. Et curieusement, après avoir pété les plombs, là, les 5 ans et demi, A priori, bon, il est dans ses amis. J'ai trouvé ça très curieux. Aujourd'hui, donc. En fait, la mère, ouais. En fait, la mère des trois enfants voulait garder ses trois enfants pour elle dans sa vie. Il ne fallait pas qu'il se marie. Il ne fallait pas qu'il ait d'enfants. Quand sa fille aînée a trouvé donc un mari, la mère lui a dit « Ah, tu m'as trahi ». Elle n'a pas supporté. Moi, avec Philippe, pareil. Elle a voulu me voir au bout de 25 ans, pas avant. Et le troisième qui, lui, ben, papillonnait beaucoup, pareil, elle n'a jamais voulu voir personne. Et le troisième est resté chez ses parents jusqu'à la fin. Bon, le père est décédé en maison de retraite en 2008. La mère, ensuite, en 2009, bon, on lui a découvert la maladie de Parkinson et elle a intégré une EHPAD. Et donc, la maison avait été vendue, vidée, grâce à Philippe. Et c'est là que tout l'argent est allé dans la poche de Brigitte et Philippe, certainement pas François. Ils lui ont fait signer un papier au dernier, comme il est bébête, hein. Ils lui ont fait signer un papier comme quoi il reconnaissait qu'il avait assez profité durant toute sa vie et qu'il renonçait à son héritage paternel. Donc mon ex-beau-frère, quelques jours après le décès, est arrivé avec son ami notaire de Vichy. Et ils ont fait tous les papiers, bon, à savoir que François renonce à son héritage paternel, et ils se sont tout mis dans la poche, tout. Il y a une maison à Argelès-Gazost qui a été vendue, il y a la maison d'Ambarès où ils habitaient qui a été vendue aussi, et cet argent a été divisé en deux. Il y a eu 170 000 euros pour la sœur, Brigitte, et il y a eu 150 000 euros pour Philippe, voilà. Et la mère se plaignait, mais je comprends pas, j'ai pas reçu l'argent de la maison d'Argelès, ni d'Ambarès, et eux, ils se marraient. En plus, la mère avait des quantités de bijoux, bon, ils ont vendu les bijoux, ils ont acheté des diamants, des francs suisses, ils ont acheté quoi, des lingots d'or, des lingotons, ils ont mis tout ça, des lingotins, pardon, et ils ont mis tout ça dans leur coffre à eux. Oui, donc en fait, c'est monstrueux, hein. Ils se sont volés les uns les autres aussi, parce que Philippe a détourné beaucoup de bijoux qui auraient dû revenir, bon, à sa sœur et seulement au décès de la belle-mère. Non, mais là, non, c'est une famille, de toute façon, l'argent. On commence à avoir un tableau assez précis de cette famille. Je dirais qu'on est dans des traits que l'on retrouve, en tout cas des fonctionnements assez communs que l'on retrouve dans les familles, les grandes familles comme ça qui vivent en province où il y a un peu d'argent et où voilà, on a toujours cette coutume de. Mais on va continuer à en parler. Je pense que là on a dressé un portrait, oui, voilà. Et même une situation. Voilà. Vous restez avec moi et on va évoquer la suite de votre histoire et surtout voir comment vous avez pu passer. C'est 32 ans comme ça. On va voir tout ça ensemble. En attendant, pour celles et ceux qui nous écoutent, vous pouvez nous appeler au 3921. Nous attendons vos appels. Nous sommes là pour vous écouter ce soir. Et dans une heure, on est en 2020. A tout de suite. Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921, 50 centimes la minute. Comme des milliers de personnes au pied de la cathédrale Notre-Dame de Paris, Natacha Saint-Pierre témoigne. Bonjour à tous, ici Natacha Saint-Pierre. Comme vous, je n'oublierai jamais cette nuit du 15 avril, Notre-Dame de Paris en feu. Au terme de cette année, la cathédrale n'est pas encore sauvée. Le chantier demande d'infinies précautions après l'incendie qui l'a en partie ravagée. Et pendant ce temps, il faut aussi prévoir un lieu de recueillement et d'accueil pour touristes et pèlerins. Chaque euro compte. Merci beaucoup. La Fondation Notre-Dame continue la collecte de dons sur don.fondationnotredame.fr/cathédrale ou par chèque à l'ordre du Fonds Cathédrale de Paris. Il sera 23h. Le flash, Sophie Echen. Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Emmanuel Macron confirme sa fermeté ce soir. La réforme des retraites à laquelle je me suis engagée sera menée à son terme, a-t-il déclaré au cours des traditionnels vœux aux Français. Beaucoup de réactions après ce discours. C'est une déclaration de guerre aux millions de Français qui refusent sa réforme pour Jean-Luc Mélenchon. Invité d'Europe 1 ce soir, le député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, Éric Coquerel, dénonce pour sa part la morgue du chef de l'État. Le président de la République nous resserre la même chose depuis 3 ans, estime-t-il. De son côté, la grève contre la réforme des retraites se poursuit. Pas de trêve pour ce 1er janvier 2020, 28e jour de mobilisation consécutive. La SNCF annonce un TGV sur 3 demain, 2 TER sur 5 et seulement un intercité sur 10. Trafic très perturbé à Paris également, où la moitié des lignes de métro resteront à l'arrêt. En revanche, des améliorations sont attendues en fin de semaine pour le retour des vacances, avec 2 TGV sur 3 de vendredi à dimanche. Si vous devez voyager ce week-end, vous serez informé de la circulation des trains par mail et par SMS. Un gros dispositif de sécurité déployé pour cette soirée du réveillon. 100 000 policiers et gendarmes, 40 000 pompiers et 5 000 militaires. À Paris, 300 000 personnes sont attendues sur les Champs-Élysées où les festivités se déroulent en ce moment. L'avenue est fermée à la circulation. Un barrage filtrant a été mis en place. Après la prise d'assaut de l'ambassade américaine à Bagdad ce matin, Donald Trump menace de faire payer le prix fort à l'Iran. Il accuse Téhéran d'avoir orchestré cette attaque. L'Iran sera tenu pleinement responsable des vies perdues ou des dégâts occasionnés dans nos installations, tweet le président. Donald Trump qui remercie par ailleurs les dirigeants irakiens pour leur réponse rapide. Au Venezuela, au moins 10 prisonniers sont morts lors d'affrontements dans une prison du nord-ouest du pays. Une rixe sur fond de guerre de gang. Et puis Marc Vera perd son procès contre le guide Michelin. Le chef estimait que le guide rouge avait fait erreur en privant l'un de ses restaurants de sa 3e étoile en janvier dernier. Il avait demandé 1 euro symbolique de réparation pour le préjudice subi. Tout de suite, c'est le retour de la Libre Antenne avec Olivier Delacroix. Très bonne soirée à tous et très bon réveillon sur et Europe 1. À tout à l'heure, Sophie. À tout à l'heure, exactement. Europe 1. Écoutez le monde changer. Europe 1. 22h30, 1h, la Libre Antenne. Olivier Delacroix. Passé de 2 minutes et vous êtes sur Europe 1 et c'est votre radio, votre libre antenne qui s'installe jusqu'à 1h du matin en direct pour vous écouter, pour vous entendre, évoquer cette année 2020 qui arrive. Avez-vous pris de bonnes résolutions? Avez-vous décidé de changer? Est-ce que vous avez vraiment l'envie de changer? Est-ce que vous avez la force de changer? Est-ce que vous vous posez les bonnes questions? 39-21, vous pouvez nous appeler, c'est 50 centimes d'euros la minute. Au 39-21, Natacha, Florian et Jean-François vous attendent. 739-21 pour vos SMS. D'ailleurs, vous êtes quelques-uns à réagir ce soir sur l'histoire de Sylvie. Et on va rentrer dans le cœur vraiment du sujet avec Sylvie maintenant que nous connaissons un peu mieux. Un peu mieux le cadre de toute cette histoire. Sylvie, qui a vécu 32 ans avec Philippe, avant que Philippe ne vive une crise de la cinquantaine à l'aube de ses 53 ans et se mette, comme Sylvie nous l'a raconté, à prendre de la cocaïne, à maigrir d'une bonne vingtaine de kilos, même plus, hein, je crois, Sylvie. Une trentaine de kilos et avoir eu des comportements même parfois violents, voire déviants avec vous. Voilà, moi je vous ai posé toutes ces questions, Sylvie, parce que pendant ces 32 ans, où cet homme quand même avait des comportements un peu, vous me parliez de fugue, vous me parliez d'un homme qui brillait en société, moi je suis toujours curieux de savoir comment est-ce que vous avez tenu pendant 32 ans, pourquoi est-ce que vous êtes resté pendant 32 ans? C'est quelqu'un que j'ai passionnément aimé, je n'ai n'étais pas aveugle pour autant, mais je me disais, à l'époque où nous nous sommes connus, je me disais, il est jeune, il n'a jamais quitté ses parents, il va changer, il va mûrir, il va grandir. Ouais. Et en fait, il n'a fait qu'empirer à la fin, là, il y a 5 ans et demi, il se maquillait, il se teignait les quelques cheveux qui lui restaient. Mais vous, Sylvie, dans tout ça, parce que vous me parlez beaucoup de lui, mais vous me parlez peu de vous, en fait. Et c'est ça qui m'inquiète un peu, parce que... Ben, moi, j'existais pas, j'existais à travers lui, je m'occupais que de lui, il fallait pas que je fasse quoi que ce soit sans lui. Puis là, bon, il y a eu ces 5 années, plus de 5 années, bon, de justice, de jugement, mais comme tout est à son nom, ben voilà. Là, j'ai été expulsée de la maison le 28 octobre, avec perte et fracas, sachant que cette maison, c'est moi qui ai tout fait, mais strictement tout fait. Cette maison n'existerait pas, bon, ni sans lui, ni sans moi, de toute façon, hein, c'est alors, sûr. Racontez-moi, parce que ça, on ne l'a pas encore évoqué. Durant ces... Parce que vous ne m'avez pas répondu à la question. Hein. J'aimerais Pardon. Vraiment, pour vous, d'abord pour vous, que vous me répondiez à cette question. Oui. 32 ans passés aux côtés de cet homme qui ne faisait pas spécialement attention à vous. Comment est-ce que vous expliquez que vous soyez resté à côté de lui pendant 32 ans ? J'ai toujours aimé. Oui. J'ai toujours aimé. D'accord. J'étais moins amoureuse de lui. Bon, après, il m'a isolée de tout. Il ne voulait pas que je travaille. Sachant que je ne travaillais pas, je faisais quoi ? Mais j'aimais cet homme. Et encore, honnêtement, il y a une partie de moi qui le déteste, qui lui en veut. Mais il y a une autre partie de moi qui l'aimerait jusqu'à la fin. C'est terrible d'être comme ça. C'est terrible. Là, je me retrouve... bon, c'est quelqu'un qui n'a pas de sentiments humains. Ça, je l'ai vu au décès de son père. Je l'ai vu au décès des petits animaux que nous avons eus au fil de toutes ces années. Là, je me retrouve à la rue avec mes 2 petites caniches. Et pourtant, il les a toujours très bien traitées. Elles ont toujours été soignées, opérées quand elles ont eu besoin, et les autres avant pareil. Là, j'en ai, elles sont plus toutes jeunes. J'en ai une qui a 12 ans qui devait être opérée le 27 octobre de tumeur mammaire. Bon, voilà, multiple tumeur mammaire, je ne peux pas la faire opérer. Mmh. Les conditions ne sont pas favorables. Alors, et je sais que je finirai par la perdre, et c'est ce que j'ai de plus cher au monde, mes filles. Alors, Sylvie, vous vous êtes retrouvée, donc vous vous êtes séparée à un moment avec cet homme. Alors, il est parti exactement, parce que bon, sur les jugements, ils m'ont beaucoup, il est parti exactement le soir où il m'a violemment frappée. Quelques jours avant, je ne sais pas si c'est semaine, quelques temps, jours avant. Il y a combien de temps de ça? Il y a 5 ans et demi. D'accord. Il y a 5 ans et demi, c'était fin mai 2014. Et là, il avait commencé à m'étrangler dans le couloir et il m'a relâchée, ok. Quelques jours après, il n'était pas là. Il s'est pointé un soir. Il est allé dans le cellier et il a voulu emporter la 3e clé de la porte du cellier. Il en avait emporté 2. Donc j'ai voulu lui enlever des mains. Et là, j'aurais jamais dû faire ça. Là, il m'a complètement esquinté tout le côté gauche du visage. Et avec son pied, il m'a creusé le gros orteil. J'avais plus que, je ne sais pas, je dirais 1 cm d'ongle sur le gros orteil. Alors peut-être que là, je lui ai dit, je t'avertis, demain je vais chez le médecin et après je vais déposer plainte. Et là, il est parti. Donc, là, il est parti. Et il est revenu. Donc, bon, c'est ce que j'ai fait. Quand je suis sortie de la gendarmerie, je lui ai envoyé un SMS. C'est quelqu'un d'extrêmement lâche. J'ai envoyé un SMS lui disant « Bon voilà, je sors chez le médecin, je sors de la gendarmerie. » Il m'a répondu, il m'a envoyé un SMS me disant « J'arrive. » Il est arrivé et il me dit « Écoute, si tu retires... » Il ne fait pas de grandes phrases. Hein. Il me dit « Si tu retires ta plainte, si tu ne retires pas ta plainte, il y en a qui te feront la peau. » C'était sa phrase. « Et si tu la retires, je te donnerai 200 000 euros. » Bon, moi, je me disais toujours ça, « Il va reprendre ses esprits. » Bon, voilà, sûrement pas... J'ai été folle. Vous ne vous êtes jamais dit que c'était fini, là, à ce moment-là, lorsque Mais non, j'ai toujours gardé de l'espoir. Oui. Je ne comprenais pas. Mais même aujourd'hui, je ne comprends pas ce qui lui est arrivé. Je ne comprends pas. Est-ce que lui, il est capable de dire ce qui s'est passé ? J'en sais rien. Et donc, j'ai retiré ma plainte. Les gendarmes sont fâchés. Ils me disent qu'ils m'ont dit, bon, ne faites pas ça. Je l'ai fait quand même. Bon, et puis, ben, il est reparti une fois que j'ai retiré ma plainte. Et 11 ou 12 jours après, il revenait avec un huissier. J'étais en train de toiletter ma petite chienne sur la table. J'ai vu un homme que je ne connaissais pas en premier, lui qui suivait 3-4 mètres derrière, et c'était un huissier. Avec un avis d'expulsion, voilà, ça a commencé comme ça. Et puis après, bon, j'ai eu un an arrêté. Il voulait donc que vous partiez au bout de, ah oui, de 32 ans de vie commune, que vous dégagiez comme ah oui, ça comme... Sans rien, sans rien, sans rien, sans rien. mais il est richissime. Il est parti, bon, je devrais pas le dire, mais bon, moi, je raconte pas d'histoire. Il est parti avec plus de 900 000 euros sur ses comptes. Fin année 2013, j'ai dit, tu sais, Philippe, il t'arrive quelque chose. J'ai jamais le droit d'ouvrir un courrier. J'ai jamais su combien payer de téléphone. J'ai jamais rien su. Et je lui ai dit, tu devrais me faire un récapitulatif de tous tes placements. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de placements, il est très doué en ça. Et donc, il me l'avait fait ce soir-là, c'était fin 2013. Et bon, je les ai fournis au tribunal, et au tribunal, il dit, oh, ben, c'est elle qui l'a fait, j'ai jamais su me servir d'un ordinateur. À l'époque, j'ai jamais eu accès au bureau, de toute façon, ni à l'ordinateur, ni à quoi que ce soit. Après, bon, ben, j'ai eu un an à rester à la maison, d'autres jugements suivis, j'ai eu 2 ans. J'ai essayé de batailler, de faire valoir sur la base du papier de construction de nom que cette maison était autant à moi qu'à lui. Et j'ai attaqué au pénal aussi. Et là, j'ai attaqué au pénal, je crois que c'était en avril, pas cette année, l'année dernière. Et là, je viens de recevoir le courrier comme quoi... ben les pénales, c'est mort, a priori, je ne dis pas la vérité, etc., etc. J'y crois pas, la justice est immonde, la justice est immonde. Je me retrouve à la rue avec mes petites chiennes. Donc là, mon avocat réattaque. Mais enfin, parce que l'année dernière... Vous êtes à la rue, donc, parce que vous êtes où à la rue, exactement? Alors, je suis dans une vieille maison insalubre. Et puis voilà quoi. Maison qui appartient à qui vient d'où, qui est payée par qui? Grâce aux réseaux sociaux, les premiers jours, je les ai passés dans un hôtel Formule 1. Ouais. Évidemment, je ne pouvais pas payer indéfiniment l'hôtel. Et donc après, je suis partie et je me manifestais sur les sites genre violence conjugale faite aux femmes, etc., etc. Et il y a une dame qui est entrée en contact avec moi, merci Nathalie, hein, voilà. Et elle avait ses voisins, ses parents, ses beaux-parents sont décédés, le dernier est décédé cette année, et je suis dans leur maison. C'est une vieille maison qui est inhabitable. Hein. Pour le moment, elle n'est pas vendue. Donc, je suis là temporairement. Ce qui paraît incroyable dans votre histoire, je vais vous dire, c'est que vous n'ayez aucun droit, hein, finalement. Bon, on va marquer une légère pause et vous allez m'expliquer pourquoi, justement, la justice ne vous reconnaît aucun statut, hein, finalement, en ayant passé 32 ans aux côtés de cet homme. Mais on va continuer à en parler, Sylvie. Vous restez avec moi, on marque une courte pause et on se retrouve tout de suite. Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921, 50 centimes la minute. Parce que la foi est un trésor qui se partage. Parce que notre monde a tant besoin d'engagement, d'espérance, de fraternité. Parce que l'Église ne vit que des dons de ses fidèles, merci pour votre soutien à sa mission. Faites un don sur denier.catholique.fr. 66% du montant de votre don sont déductibles de vos impôts. Pour en bénéficier cette année, votre soutien doit nous parvenir avant le 31 décembre. Olivier Delacroix accompagne vos nuits. 3921 pour nous joindre, pour nous parler de vous, de votre quotidien et de ce que vous prévoyez pour cette année 2020. Nous sommes avec Sylvie ce soir qui nous raconte son histoire. Une histoire malheureusement qui se répète, hein, pour pas mal de femmes qui ont à un moment décidé de passer leur vie à côté d'un homme qu'elles aimaient. Un homme en qui elles avaient confiance, et puis au bout de ces 32 ans, finalement, Sylvie, vous n'existez pas, en tout cas aux yeux de la justice, visiblement, vous n'existez pas, puisque il a réussi à vous faire expulser de cette maison qui était à vous deux, finalement. Elle devait, alors oui, sur les papiers de construction, bon, tout était à nos deux noms, mais le soir de lâcher la notaire, il n'a pas voulu que j'y aille, il a voulu, il m'a dit, je préfère que la maison soit mon seul nom, mais t'inquiète pas, je ferai un testament, je n'ai pas oublié ça. Pourquoi est-ce que vous avez accepté ça, Sylvie? C'est ça qui me... Parce que dans ma tête, j'étais consciente que je ne travaillais pas, et j'avais 30 ans de moins. et je n'ai rien dit, j'ai laissé faire, j'en avais gros sur le cœur. Mais parce que je, enfin voilà, je ne sais pas, j'ai pas osé. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, il m'arrive fréquemment d'échanger avec des femmes qui ont, comme vous, passé 25 ans, 20 ans, 30 ans, voire 40 ans à côté d'hommes comme ça, ben voilà, avec qui elles avaient décidé de mener, de partager leur vie. Et puis, comme vous, il y a eu une séparation, et puis rien. Au bout du compte, rien au niveau de l'administration, c'est-à-dire que... Mais rien. Aucune reconnaissance juridique, en fait. Donc, d'être pas mariée, on a droit à rien, quel que soit... Alors après, l'année dernière, il y a eu un jugement en novembre 2018 qui l'a condamné à me verser 133 000 euros. Pourquoi 133 000 euros? Ce que je n'ai pas eu. Hein. Mais pourquoi? Parce que sur des SMS, j'avais fait faire des captures d'écran par un huissier, des SMS qu'on échangeait après qu'il soit parti. Et il me disait dessus, je te donnerai 130 000 euros, je te laisserai la voiture et je te paierai 6 mois de loyer à hauteur de 600 euros. Donc la justice a additionné tout ça et l'a condamné l'année dernière à me verser 133 000 euros. Il a fait appel et là mon avocat est en train de relancer ce jugement là. En tout cas, de travailler sur l'appel. En tout cas, oui. Il a été condamné une première fois à vous verser 133 000 euros. Oui, tout à fait. Donc, dans l'attente de ce jugement, qui devrait être confirmé, hein, parce que, bon... Ah oui. Il a pu faire appel, c'est son droit, mais normalement, ces 133 000 euros vont vous être versés dans l'année, je pense. Parce que, si ça pouvait être vrai. Pardon ? Si ça pouvait être vrai, parce que je me retrouve vraiment avec rien. Alors, rien. Justement. Je n'ai même pas pu récupérer un vêtement. Tous mes papiers de justice sont dans cette maison. Enfin, j'ai tout. Je suis partie avec ce que j'avais sur le dos, mes deux petites poupées et puis leur sac de croquettes. Mais alors, voilà. Pourquoi vous êtes partie comme ça aussi, Sylvie? Et parce que je pensais. Alors, mon avocat s'était adressé au GEC, ça s'appelle comme ça, pour que je ne sois pas expulsée, tout du moins cette année. Et ça a été refusé. D'accord, mais... J'ai reçu une lettre de... C'était de la préfète de Bordeaux. Alors, ça aussi, c'est fort. J'ai reçu cette lettre le 11 octobre. Et sur cette lettre, il y avait écrit « Vous êtes expulsable à partir du 9 octobre ». Et j'étais expulsée le 28. Le 28 là, quoi, j'ai eu le 28 octobre. D'accord. Cette année. Et pourquoi n'avez-vous pas préparé ce départ? En fait, quand vous me dites je suis partie avec mes deux petites chiennes et leurs croquettes. Parce que j'y croyais pas, parce que j'avais préparé une bouteille d'essence pour me renverser dessus, parce que je enfin, c'est trop injuste. J'étais perdue, quoi. J'ai plus d'avenir, j'ai plus rien. Là, j'ai essayé le lendemain où j'étais expulsée. Bon, je suis passée devant la maison. J'ai vu que les volets étaient ouverts, le portail était ouvert. Et donc, je me suis avancée sur l'allée. Et là, il y avait un type qui était dans la maison. Mes draps, je les ai vus par la fenêtre du bureau qui était posée au sol. Ce type dormait dans mon lit le soir même. C'est-à-dire, c'était qui ce type? Mais je ne sais pas qui c'est, je ne le connais pas. Et je lui ai dit, je voudrais récupérer quelques affaires personnelles. Mais il m'a dit, si vous ne dégagez pas de là, je vous casse la gueule. Ça doit être un copain à lui. Bon, je pense que ça ressemblait à un gitan. Il n'avait pas le droit. Et donc, j'ai vu monsieur le maire, qui est un homme adorable. Je me suis adressée aux gendarmes, je me suis adressée à l'huissière. Mais personne ne peut rien faire pour que je récupère au moins quelques affaires personnelles. J'ai tous mes meubles, j'ai tout. Et il a accès à tous mes papiers. Enfin, voilà. Voilà. Et qu'est-ce qui vous empêche de... Il y a une décision j'ai de justice. Vraiment, ça vous a été signifié que vous n'aviez plus le droit de mettre les pieds dans cette maison? C'est ça. Alors quand est-ce que je pourrais récupérer au moins mes affaires personnelles? Ça finira par arriver, mon avocat s'en occupe aussi, mais quand? Oui. Mais quand? Parce que j'ai encore, enfin bon voilà, des médicaments d'une de mes petites, enfin bon. Mais je suis partie avec ce que j'avais sur le dos, rien d'autre. Et donc aujourd'hui, vous en êtes où? Vous êtes dans cette maison, donc vous êtes dans cette maison et qui est payée par qui? Parce que alors cette maison, elle est en vente. Non pas bon, la maison, c'est une maison qui est à détruire, mais il y a beaucoup de terrain et elle est en vente pour construire, pour faire des maisons. Ce sont les terrains qui ont une certaine de la valeur. Oui, donc elle devrait être détruite assez vite, cette maison. Dès l'instant où ce sera vendu. Après, ça peut être vendu n'importe quand, ça je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais c'est une chance pour moi, hein, parce qu'autrement, je suis dehors dans ma voiture. Hein. Ouais, ouais. Et là, c'est quasiment... C'est kiff-kiff, mais au moins, je ne dors pas dans ma voiture. Et ce qui paraît complètement étonnant là-dedans, c'est votre belle famille, en fait. Le frère, la sœur de cet homme. Vous avez quand même mené une vie de famille avec ces gens-là. Vous avez eu des amis en commun. Alors, personne ne s'occupe de vous. Ah non, pas d'amis en commun. Non, parce que sa sœur et son beau-frère habitent du côté de Vichy. Donc, on se voyait pas souvent. Et il n'avait aucun contact, aucune relation avec son dernier frère. Non, des amis en commun, ça c'est sûr qu'on en avait. J'ai tous nos amis en commun qui m'ont fait des témoignages de ce qu'ils ont vu. Bon, a priori, on les prend pas en compte. J'ai eu des menaces de mort régulières, notamment février 2015 à 3h du matin où il est venu taper contre les volets, pas tout seul. De toute façon, tout seul, il aurait pas fait. Ça tapait partout, contre les volets, les portes, j'ai eu peur et quand j'ai demandé qui c'est sa voix à lui qui m'a répondu « on va te tuer ». J'ai appelé les gendarmes. Les gendarmes ont constaté que la porte arrière était un peu abîmée. On constatait les traces de pieds. On poursuivit une Clio blanche, mais c'était pas la bonne. Et parce qu'on savait pas du tout où il habitait. Il avait jamais donné son adresse. Il la donne que depuis moins de 2 ans, je pense. Voilà. Et là, j'avais fait appel. Je m'étais adressée à un des juges. Donc en avril 2018, et là j'apprends que il n'y aura pas de. Il ne passera pas au pénal, voilà. Personne ne vous a cru en fait. Mais c'est pas possible. Alors, je sais pas, là on m'a dit que je mentais, parce que si j'avais vraiment été violée, j'aurais fait constater, mais non, je n'ai pas fait constater, je pensais que monsieur allait retrouver son équilibre, quand je suis allée déposer plainte, par contre, là je me suis dit, trop, c'est pas possible, il va finir par me tuer. Voilà. Mais il est violent cet homme? Mais autrefois, jamais, absolument jamais. Mais là, il y a 5 ans et demi, il est devenu d'une violence. Mmh. Et aujourd'hui, en fait, vous savez ce qu'il fait, quelle vie il mène aujourd'hui? Je ne sais pas. Je sais qu'il a acheté un appartement en 2017 parce qu'il en parle dans les papiers de justice. Je suis convaincue qu'il ne travaille plus. De toute façon, il n'a pas besoin. Et ce qu'il fait, je pense qu'il doit faire la nouba jour et nuit, voilà. Alors, ce que je voudrais savoir, moi, c'est, vous m'avez beaucoup parlé de justice dans tout ça. Les 32 ans que vous avez passé avec lui, comment est-ce que ça a été évoqué par la justice? Comment ça, on n'en parle pas? On n'en parle pas. Alors, lui, il disait qu'on avait vécu 25 ans ensemble. Après, il a reconnu 32 parce qu'il il a toujours menti. Et donc, du coup, la justice, elle dit quoi? Lorsque on a partagé la vie d'un homme pendant 32 ans, un homme qui, visiblement, avait de l'argent. Vous, pendant ces 32 ans, vous avez vendu la pâtisserie au début, alors il a fini... il a fini ses études avec moi. Ensuite, il a fait l'armée. Ensuite, on a vécu ensemble. Là, il m'a dit, j'ai failli dire son nom. Et chez les XXX, les femmes ne travaillent pas, ce qui était vrai. Et je me suis dit, c'est une grosse erreur de ma part. Je me suis dit, pourquoi pas. Et puis voilà, monsieur gagnait quand même entre 8 et 11 000 euros par mois. Plus les placements qu'il faisait, qui étaient énormes. Il perdait aussi, c'est-à-dire, il ne le disait pas. J'avais appris une fois par hasard. D'accord, mais en attendant... La justice n'a jamais reconnu que vous partagiez votre vie avec cet homme et que vous... Enfin, vous voyez, vous avez construit des choses avec lui, J'ai tout fait. J'ai tout fait. J'ai strictement tout fait. Quand je l'ai connu, c'était un gamin. C'était un gamin qui n'avait jamais quitté papa-maman. C'était un gamin. D'accord. Et ça, ça n'a été reconnu par personne, hein? Mais non. Mais non. Bon, 32 ans, effectivement, ça figure sur tous les papiers, de, sur tous les jugements qu'il y a eu. Là, je suis déboutée de ma demande de... devant les pénales. J'ai eu des menaces de mort à chaque fois que je le croisais, il me faisait le signe sous la gorge. Une fois, il m'a dit, il m'a redit, une autre fois où je l'ai croisé, il m'a redit, t'inquiète pas, hein. Et c'était la deuxième fois, t'inquiète pas, il y en a qui te feront la peau. Il surveillait la maison, il se mettait en planque, une fois je raccompagnais. J'ai eu des clous sur l'allée que, heureusement, j'ai jamais pris dans les pneus, que j'ai pris dans mes tongs. À chaque fois j'ai déposé plainte, à chaque fois les plaintes ont été classées sans suite. Moi je dis que cette justice est absolument ignoble. Ignoble. Oui, c'est assez hallucinant ignoble. D'entendre ce que vous parce vivez. Que tout le monde s'en fout. Moi, donc j'ai 62 ans, je suis reconnue handicapée. Bon, j'ai d'importants problèmes de colonne vertébrale. Je me retrouve dehors. Heureusement, j'ai cette vieille maison. Hein. Il y fait froid, il est bon, c'est voilà. C'est un vrai taudis, mais au moins j'ai ça. Autrement, je vivrais dans ma voiture et tout le monde s'en fout. Je suis allée voir les assistantes sociales, j'ai fait plein de démarches, plein de démarches. Donc, vous êtes toujours dans le Bordelais, là ? Vous êtes toujours dans le Bordelais ? D'accord. Oui. Et vous êtes à Bordeaux même ? Non, pas du tout. Je suis en campagne entre le Libournais et le Bordelais. D'accord, très bien. On va marquer encore une petite pause et puis on se retrouve tout de suite, Sylvie, d'accord ? Merci. À tout de suite, je vous en prie. À tout de suite. Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921, 50 centimes la minute. Moi j'ai fait mon premier sauvetage, ça fait 2 mois. Il y a des femmes enceintes, des enfants, des nourrissons qui sont en danger de mort. Ensemble, sauvons des vies en mer. Faites un don sur sosméditerranée.fr. Vous êtes toujours sur Europe 1, c'est la Libre Antenne, c'est votre radio qui vous ouvre ses ondes jusqu'à 1h du matin en direct pour dans à peine 33 minutes, 32 minutes maintenant, fêter le passage de l'année 2019 à l'année 2020. Je ne me suis pas trompé d'ailleurs, ouais, c'est assez étonnant parce que vous savez, durant toute l'année, quand on me demande en quelle année on est, je suis souvent incapable de dire en quelle année on est. Bon, à 1 an ou 2 ans près hein, quand même, ce n'est pas si grave que ça, mais bon, voilà, plein de résolutions souvent, c'est la période des décisions, la période où on veut changer pas mal de choses dans sa vie, et puis... pour d'autres, comme Sylvie, c'est une période où on n'a pas le temps vraiment de lever la tête. On a la tête dans le guidon, dans les problèmes. Et justement, cette période, Sylvie, ce soir, vous êtes toute seule là. Vous n'avez pas eu d'amis qui vous ont convié ce soir Oui, je sais. J'ai la dame qui a fait en sorte, la dame, ben, grâce à qui je suis dans cette maison, qui m'avait invitée. Mais je suis pas en état. Je suis très très fatiguée. Je suis très dépressive. Alors j'aurais aimé être hospitalisée.